إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن شريعة الإسلام نظمت شؤون الحياة كلها، فما من شأن من شؤون حياة الإنسان إلا وللشريعة فيها التعليمات الطيبة والتوجيهات القيمة، لتحول المجتمع المسلم في كل ميدان حياته لأن يكون مجتمعا مرتبطا بدينه الإسلامي الحق. ومن ذلكم شأن الأسواق، شأن أسواق البيع والشراء، فإن شريعة الإسلام جاءت بالضوابط الشرعية والآداب المستحبة والتوجيهات النافعة لمن يأتون ويذهبون إلى الأسواق، ومن يشتغلون فيها، ومن مهنتهم البيع والشراء فيها. وقد أثنى الله تعالى على رجال لم تكن الأسواق صادة لهم عن ذكر الله ولا ملهية لهم عن طاعة الله، بل هم يزاولون البيع والشراء ويذهبون الأسواق ويقيمونها، ولكنها لا تلهي قلوبهم عن ذكر الله ولا تشغلهم ولا يشغلهم الضرب في الأسواق عن طاعة الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شيخ مجنوماي مسلمان، la législation musulmane est venue pour codifier et pour gérer l'ensemble de la vie des êtres humains. Il n'y a pas une situation dans laquelle se trouve l'être humain sans que la législation musulmane soit venue avec des enseignements bons, avec des directives correctes, afin que la société musulmane, dans tous les aspects de sa vie, soit une société qui soit attachée à la religion musulmane, qui est la religion de vérité. Et parmi ces choses et ces situations et ces cas de figure, il y a ce qui concerne les marchés, ce qui concerne les marchés ou les centres commerciaux ou autres, dans lesquels il y a de la vente et de l'achat. La législation musulmane est venue avec des règles juridiques, avec des comportements qu'il faut adopter, et la législation musulmane est venue nous donner des directives justes, des directives profitables pour ceux qui se rendent dans les marchés, pour ceux qui travaillent dans les marchés et pour ceux dont le métier est d'acheter et de vendre dans les marchés. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son noble livre d'hommes dont les marchés ne détournent pas du rappel d'Allah. Le fait de se rendre au marché ne les détourne pas de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des hommes qui vendent et qui achètent, qui se rendent dans les marchés et font en sorte que ces marchés vivent. Mais de la même façon, ces marchés ne distraient pas leur cœur dans le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens dans des maisons, c'est-à-dire dans des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifie en elle, c'est-à-dire dans ses mosquées, matin et après-midi, des hommes que ni le commerce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah. dont ni le troc, ni le commerce ne distrait de l'invocation d'Allah, de la prière, de l'accomplissement de la prière, de l'acquittement de la zakat. Il redoute un jour dans lequel les cœurs ainsi que les regards seront bouleversés. ثم اعلموا ان اتيان الاسواق والبيع والشراء فيها ليس بعيب ولا نقص ولا اثم لمن اتقى الله وبر وصدق وتخلق باخلاق الاسلام في احواله كلها. فمن اداب الاسلام في السوق انه شرع ذكر الله عندما يدخل المسلم السوق، لان السوق غفله ولهو، والمسلم يذكر الله ليكون ذكره لله مصاحبا له في أحواله كلها. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي ليكن ذكر الله مصاحبا لكم في بيعكم وعقدكم وعطائكم، ولا تكن الدنيا ملهية ملهية لكم عن طاعة ربكم، بل سخروا كل حياتكم في سبيل إعزاز دينكم وقوة ارتباطكم بخالقكم ورازقكم. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة. والحديث صححه الألباني رحمه الله. Sachez que de se rendre dans les marchés afin de vendre et d'acheter n'est pas un mal en soi, et ce n'est pas un défaut, et ce n'est pas un mal pour celui qui craint Allah, celui qui est pieux et qui est véridique, et celui qui se dote des comportements islamiques dans l'ensemble des situations dans lesquelles il se trouve. Parmi les comportements islamiques à adopter dans les marchés, l'islam nous a légiféré aux musulmans qui entrent dans un marché ou dans un centre commercial ou tout endroit dans lequel l'on vend et l'on achète, car ces endroits, ces marchés sont des endroits d'insouciance, sont des endroits d'amusement et de distraction. Et le musulman se doit de se rappeler son Seigneur, matin, midi et soir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Le musulman se doit d'être accompagné du rappel d'Allah dans l'ensemble des situations dans lesquelles il se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Jumu'ah: et lorsque vous avez accompli la prière, c'est-à-dire la prière du vendredi, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez les bienfaits d'Allah et rappelez-vous Allah beaucoup, peut-être connaîtrez-vous la réussite. C'est-à-dire que le rappel d'Allah vous accompagne lorsque vous vendez, lorsque vous contractez des contrats de vente et lorsque vous achetez, lorsque vous donnez. Que cette vie d'ici-bas ne vous détourne pas de l'obéissance à votre Seigneur. Bien au contraire, mettez votre vie entièrement au service de votre religion. Et faites que dans cette vie d'ici-bas, votre relation avec votre Seigneur, votre Créateur, votre pourvoyeur soit forte et solide. Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte, selon Abdullah ibn Umar, qui rapporte de son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit, lorsqu'il entre dans un marché, la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, وحده لا شريك له, l'unique, point d'associé à lui, له الملك وله الحمد, à lui la royauté et à lui la louange, يحيي ويميت, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort, وهو حي لا يموت, et c'est le vivant qui ne meurt jamais, بيده الخير, entre ses mains le bien, وهو على كل شيء قدير, et il est capable de toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui dit cette invocation, lorsqu'il entre dans un marché, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit 1 million de hasanat, et Allah lui efface 1 million de péchés. Le hadith est authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Thumma alamu أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأسواق للتكسب والبيع, ولذا عابه المشركون ورأوا ذلك نقصا في حقه, فبرأه الله بقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأسواق وكان يراقب أسواق المسلمين مراقبة عظيمة, يراقب أسواقهم ويوجه لهم النصائح والتوجيهات ويحثهم على الصدق والوضوح في بيوعاتهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما فرأى بائع طعام فأدخله, فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فنالت أصابعه بللا في أسفل الطعام, فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله, أصابه ماء المطر. فقال صلى الله عليه وسلم ألا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن التجار هم الفجار. قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى, ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. والحديث صحيح. هكذا كانوا يحفظون الأسواق ويوجهون النصائح لأهلها ليكونوا على بصيرة في بيعهم وشرائهم. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans les marchés afin de vendre et d'acheter. Et les polythéistes ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela, et ont considéré que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rende dans les marchés, que cela était un manque et un défaut de sa part. Allah azza wa jal l'a exempté des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal dans le verset 7 de sourate Al-Furqan, et ils disent qu'est-ce qu'a ce prophète qui mange la nourriture et marche dans les marchés, laoula unzila alayhi malak, si on avait fait descendre avec lui un ange qui eût été un avertisseur en sa compagnie. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans les marchés et il scrutait les marchés et surveillait le marché des musulmans d'une surveillance très pointilleuse et très délicate, sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des conseils et des directives aux gens dans les marchés. Il les encourageait et leur ordonnait d'être véridiques et d'être clairs dans leurs transactions commerciales. Il est parti, sallallahu alayhi wa sallam, dans un marché un jour et il a vu un marchand de nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré sa main dans cette nourriture et ses doigts bénis sallallahu alayhi wa sallam ont touché une partie humide de la nourriture à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'est-ce que ceci, ô toi qui vends la nourriture ?» Cet homme a répondu, elle a été touchée par l'eau de la pluie, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, pourquoi ne le mets-tu pas alors au-dessus, afin que les gens puissent le voir? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, les commerçants sont les pervers. Les commerçants sont les pervers. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, Allah n'a-t-il pas autorisé la vente? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, mais il parle en mentant, en jurant et en commettant du mal. En parlant des commerçants qui mentent dans leur vente et qui jurent également, qui usent du serment pour vendre leurs marchandises. Ainsi étaient les musulmans. Ils préservaient leur marché et dirigeaient les conseils à ceux qui s'y rendaient ou à ceux qui y vendaient ou y achetaient. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن آداب السوق أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الباعة من الإقدام على الأيمان الكاذبة في بيعهم وشرائهم بل أصل اليمين في البيع والشراء ينبغي تركه هذا إن كان حقا فكيف إذا كان باطلا فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ومن آداب السوق أن من يأتي السوق عليه أن يتوقى اليمين بالله ولا يحلف ليخدع الناس فيقول والله العظيم إن هذه السلعة اشتريتها بألف والله يعلم أنه اشتراها بسبعمائة هذا لا يجوز أن تحلف بالله فاجرا لتروج سلعتك وتحمل الآثام والأوزار قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les comportements adoptés dans les marchés également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a mis en garde le vendeur de jurer en mentant, en vendant ou en achetant une marchandise. Bien plus encore, le simple fait de jurer lorsque l'on achète ou lorsque l'on vend est une chose qui doit être délaissée, même si ce pourquoi il a juré est vrai. Que dire alors s'il jure en mentant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois types de personnes, Allah ne leur adressera pas la parole, il ne les regardera pas le jour du jugement, il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Le premier, Al-Musbil, celui qui laisse traîner ses vêtements, en parlant des hommes, en dessous la cheville, que ceci soit un qamis ou que ce soit un pantalon ou autre, le vêtement du musulman, de l'homme musulman, doit obligatoirement être au-dessus de la cheville. Al-Mannan, le colporteur d'informations, celui qui rapporte les paroles des gens, va chez un tel et lui rapporte la parole d'un tel, et va chez l'autre, et lui rapporte la parole d'un tel. Ceci dans le but de semer la zizanie, dans le but que la haine et que l'inimitié existent entre eux, ces personnes. Et le professeur Hassanem de dire, et celui qui vend sa marchandise en cédant, en mentant dans son serment, en jurant, tout en jurant dans le mensonge, tout en jurant dans le mensonge. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure, ou le fait de jurer, fait vendre la marchandise, mais anéantit la bénédiction. Jurer fait vendre la marchandise, mais anéantit la bénédiction. Ainsi, celui qui se rend dans les marchés pour acheter ou pour vendre se doit de délaisser, de ne pas jurer par Allah, afin de ne pas tromper les gens. Certains disent par Allah, cette marchandise je l'ai achetée à tel et tel prix, alors qu'Allah Azza wa Jal sait très bien qu'il l'a acheté à un prix bien plus inférieur. Il est donc interdit de jurer en mentant pour vendre une marchandise. Allah Azza wa Jal dit selon le sens. Dans Sourate Ali Imran, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà. Allah ne leur adressera pas la parole, il ne les regardera pas le jour du jugement, il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أن من آداب السوق أن تتخلق بأخلاق الإسلام في غض بصرك وصرفه عن النظر إلى ما حرم الله عليه ففي الأسواق يختلط الرجال والنساء فالمسلم حقا يغض بصره حتى لا ينطلق البصر فيرى ما يشغل القلب ويلهيه فإن النظر يأسر القلب فمتى ما امتلأت العين من النظر أوقع ذلك في القلب مرض الشهوات وإذا غض ألقى ذلك في القلب مرض الشهوات وإذا غض البصر طفئت نار شهوة القلب قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ويا أيتها المرأة المسلمة وأنت مأمورة كذلك بغض بصرك قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ومن آداب السوق أن تتقي المرأة المسلمة ربها فإن احتاجت لنزول السوق واضطرت إليه فلتلتزم الحشمة في لباسها ولتمتنع عن الطيب أثناء دخول السوق فإن المرأة إذا تعطرت ومرت بالرجال فوجدوا رائحة الطيب فإنها زانية تحذيرا لها من هذا البلاء فلتلتقي المسلمة ربها ولتغض بصرها ولتبتعد عن التبرج وعن اللباس الجميل وعن التعطر حتى لا تفتح للفساق طريقا عليها فتكون مساهمة في الإثم. Sachez que parmi les comportements à adopter dans le marché est de baisser le regard, de détourner le regard de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Effectivement, dans les marchés, les hommes sont mélangés aux femmes. Et le musulman véritable est celui qui baisse son regard afin de ne pas voir une chose qui pourrait perturber et tenter son cœur. Car le regard, chers musulmans et musulmanes, le regard emprisonne le cœur. Si la personne se met à regarder tout ce qu'elle peut voir, alors son cœur sera atteint de la maladie des tentations. Et le fait de baisser le regard, justement, éteint ce feu de la tentation. Allah Azza wa Jal dit, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie intime. Ceci est plus pur pour eux. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Il en est de même pour les femmes. La femme musulmane, il lui est demandé également de baisser son regard. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, dans Surat An-Nur, le verset 31, et dit aux femmes de baisser leur regard et de préserver leur partie intime. Fait partie également des comportements à adopter dans le marché, que la femme doit craindre son Seigneur, et que si elle n'a d'autre choix que de se rendre dans un marché, si elle n'a pas d'autre choix, si elle n'a d'autre choix que de se rendre dans un marché, alors qu'elle s'y rende avec pudeur dans son habillement, et qu'elle s'abstienne toute forme de parfum, car une femme qui se parfume et qui passe à proximité d'hommes qui sentent l'odeur de son parfum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cette femme de fornicatrice. Ceci afin de la mettre en garde contre ce fléau, que la femme musulmane craigne donc son Seigneur et qu'elle baisse son regard et qu'elle s'abstienne de sortir découverte ou de sortir couverte, mais en mettant des vêtements qui attirent le regard des hommes ou en mettant des vêtements parfumés de peur de tenter ceux dont le cœur est malade parmi les pervers. Ainsi, elle aura contribué au mal, wal'iyadu billah. Ayatuha al-maratu al-muslima, inna kathira min al-nisa yadhabun al-aswaqa fi kulli yawm wa ya layta ityaniha lissuqi lilhaja walakin ityanun min babi al-tafarruj fatantaqil min suqin ila suq. فالمرأة المسلمة مأمورة بالقرار في بيتها. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فإنا لا نمنع النساء من الخروج مطلقا لأن هذه المرأة قد تضطر للخروج ولكن ليكن بأدب وليكن بحشمة وليكن بسكينة وليكن بأدب الإسلام في كل الأحوال ومتى انقضى الغرض المطلوب عادت المرأة إلى بيتها. Chères femmes musulmanes, malheureusement beaucoup de femmes se rendent dans les marchés presque tous les jours, et si seulement le fait de se rendre au marché était pour un cas de nécessité. Non, beaucoup d'entre elles se rendent au marché uniquement pour prendre l'air ou pour se distraire. Et elles se rendent d'un marché à un autre. La femme musulmane, il lui est demandé de rester dans sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et restez dans vos maisons et ne vous exhibez pas de la façon de la période anti-islamique. Accomplissez la prière et acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son prophète. Nous n'interdisons pas aux femmes formellement de sortir de chez elles. Non, la femme peut être amenée à sortir en cas de nécessité, mais que sa sortie de chez elle se fasse en adoptant les comportements musulmans, qu'elle sorte accompagnée de la pudeur, accompagnée de la sérénité, et qu'elle soit dotée et embellie des comportements de l'islam, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et lorsqu'elle a terminé ce qu'elle a à faire, et lorsque la nécessité n'est plus présente, alors la femme musulmane retourne dans son foyer. Ayatuha al-mar'atu al-muslima, إياك وكثرة القيل والقال في السوق، إياك والخضوع بالقول، فإن الله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكثرة تحدث المرأة مع الرجال بلا موجب ولا سبب يقتضيه، إن ذلك لخطأ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلتكن المرأة المسلمة حريصة على صيانة عرضها وكرامتها وترفعها عن الرذائل في كل أحوالها، ولتكن أسواق المسلمين أسواقا نظيفة بعيدة عن الربا، بعيدة عن الغش والخداع والخيانة، لأن المسلم إذا سلمت مكاسبه من هذه الرذائل صار مكسبه مكسبا مباحا طيبا مباركا مباركا عليه في حاضره ومستقبله. Chère femme musulmane, prends garde à ne pas beaucoup parler dans les marchés, et prends garde également à ne pas être complaisante dans ta façon de parler, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 de sourate Al-Ahzab, en s'adressant aux femmes: ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Ainsi, le fait que la femme parle beaucoup avec les hommes, sans qu'il n'y ait pour cela une nécessité ou une cause qui le justifie, ceci est sans aucun doute une erreur. Car le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans ses veines. Que la femme soit donc vigilante et qu'elle prenne soin de préserver son honneur et de préserver sa personne, de tomber dans les bassesses, et ceci quel que soit l'endroit où elle se trouve. Chers musulmans et musulmanes, que nos marchés soient des marchés purifiés, que nos marchés soient des marchés qui sont loin de toute forme d'usure, de toute tromperie et de toute tricherie. Le musulman, lorsque les biens qu'il gagne, lorsque l'argent qu'il gagne est licite, lorsque l'argent qu'il gagne est loin de toutes ces formes interdites que l'on vient de citer précédemment, alors ces biens seront bénis. Allah subhanahu wa ta'ala mettra la bénédiction dans ces biens, dans le présent comme dans le futur. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق الإسلام في جميع الأسواق وفي جميع الأحوال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم رد المسلمين إلى دينك، اللهم ردهم إلى دينك، اللهم اجعلهم يتمسكون بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.